21h56 à la pendule de Radio Béton, il nous reste encore une demi-heure à peu près à passer ensemble, et l'occasion de retrouver une nouvelle fois l'ami Thibaut pour le second focus de l'émission de ce soir. Et soyez très attentifs parce que la prononciation du groupe à venir risque d'être très intéressante. Je t'emmerde. Alors le groupe s'appelle pas du tout comme ça. Alors, c'est bon, t'as fini de te foutre de ma tronche ? Oui. Du coup, le groupe Holkos, c'est bon, c'est bien prononcé ? Oui. Ok. Un groupe qui nous vient de la ville de Columbia, en Caroline du Sud. Ils se sont formés en 2017 et ils sortent là de leur tout premier album qui s'intitule At the Eyes of Chaos. Ils nous font un Black Death assez massif. Pour moi, c'est un gros coup de cœur cette sortie parce que vraiment, je suis tombé sur le groupe comme ça en faisant les écoutes pour préparer les focus et j'ai fait waouh, c'est vraiment énorme. Comme quoi, t'es très attentif parce que dès que l'album et la sortie a été annoncée, je dis oh putain, écoutez. Oui, mais toi, je t'écoute pas. Mais c'est bien ce que on retrouvera parmi les membres du groupe on a trois membres dans le groupe, ils ont tous plus ou moins navigué autour des scènes tech death de manière générale. On notera tout particulièrement le chanteur-guitariste qui a tourné sur des groupes comme Lecherous Nocturne, Imperium, le groupe anglais, pas les mille autres groupes qui existent. Et on a le bassiste actuel qui est notamment qui fait des lives pour le groupe Ideus Divinity. Donc on a un gros line-up qui tourne autour de ça. Et le premier truc qu'on remarquera sur ce groupe, sur cette sortie, c'est tout particulièrement la pochette que je trouve parfaitement malaisante. Elle est signée de la main de Paolo Girardi. Il a une sacrée palette de pochettes à son actif. On notera notamment les deux albums de Power Type qui sont de chez lui. On a une grosse partie de la discographie du groupe Inquisition. Du côté français, on a Creeping Fear qui ont leur album de 2021 qui est signé dessus. Et on notera également le super band Firespawn qui a également signé des pochettes de la main de cet artiste. Il a un style qui est, sans être extrêmement reconnaissable, il a un style qui est très puissant, très détaillé dans ses pochettes, et là, celle-ci est tout particulièrement réussie, avec cette espèce d'agglomérat, de crâne, de tentacules, tu sais plus qui est quoi dans le lot, et je la trouve vraiment impressionnante comme pochette. Coucou, Altar of Madness. Oui, clairement. En rouge. Mmh. Voilà. C'est bon, merci. On a fini. Tu es extrêmement dissident ce soir. Oui. Voilà, après côté musical, on a vraiment, globalement, on sent que c'est des artistes qui maîtrisent leurs instruments de ouf, mais sans en faire quelque chose d'absolument pompeux et d'en faire une démo technique. Au contraire, c'est terriblement riche, mais surtout et avant tout frontal, brut et ultra froid dans l'approche qui est proposée. Ça respire très très peu, tu te fais entraîner et complètement nier dans leur musique. Je trouve que c'est ça qui fait toute la force de cette sortie. C'est pesant et malsain à souhait, tout ce qu'on aime vraiment dans ce style-là, un Black Death vraiment dégoulinant, mais froid. J'ai pas d'autres superlatifs à mettre dessus. Je sais pas si toi, tu as des petites choses à rajouter. Oui, Immolation, Morbid Angel, et c'est plutôt une bonne base. Voilà, on est vraiment sur le vieux Evil Death des années 90. Et ça, j'y viens après. Et voilà, ce côté très, très, très, très froid, très violent, très, très cru. Et une richesse, une violence, quelque chose de très massif, ça pilonne au niveau de la batterie, à la sauce Nile sur l'aspect incantatoire qui vient rajouter à l'aspect occulte Death. Un ex-membre du groupe qui est un ex-membre de Nile. Pas compris. On va faire comme si tu n'avais pas parlé. Parmi les ex-membres du groupe, il y a un ex-membre du groupe Nile. Très bien. Voilà. Donc, Holkos, cela dit au passage, une sortie sur le label Everlasting Pew Records. Ouais. Label dont on a régulièrement des petites perles. Hein. Ça fait partie de ces labels qu'on suit un petit peu comme 20 Bucks Spin. Parce qu'on a régulièrement des très très bonnes sorties à vous proposer. Voilà, globalement, t'as un travail de composition qui est monstrueux. L'album, il dure 35 minutes, mais en fait, tu l'écoutes, mais en un claquement de doigts, il est fini. Et clairement, tu pourrais te dire, avec une ou deux pistes en supplément, ça aurait pas été de trop. Tellement c'est globalement très très riche, assez complexe, et suffisamment diversifié dans les morceaux. pour que tu te fasses pas chier, quoi. Ils t'en prends plein la gueule et t'en redemandes à la fin, donc c'est parfait. Voilà, à venir, on l'espère, des tournées européennes. At the Eyes of Chaos, le nom de cet album de Holkos. Tu as choisi le titre... The Resurrectionist, merci. The Resurrectionist, bon. Et pourquoi ce choix, mon petit Thibaut ? Pour moi, le meilleur album du morceau... le meilleur album du morceau, putain, ça y est, c'est plus l'heure. Comment ne pas te jeter des cailloux en même temps ? C'est bon, là ? C'est le meilleur album du morceau, voilà. Et du coup... Et du non, coup, il fallait coup, ne y a pas une l'écouter. Espèce de finale un petit peu apocalyptique à la fin, et j'ai trouvé qu'il se démarquait un petit peu du reste de l'album, donc voilà. Donc on vous invite à pas du tout l'écouter, parce qu'il est pas du tout intéressant. Holkos, tout de suite. Toujours sur les ondes du 93.6, sur les ondes de Radio Béton, dans la clôture de l'émission Hellbanger, avant-dernière doublette pour l'émission de ce soir. Avant-dernière doublette, même. Plus ça va, plus il y en a en fait. On vient de se clôturer le dernier focus et on va se passer à la doublette suivante. Fifth Angel enchaîné à Creeping Death. Doublette Riken. Fifth Angel, on est sur du True Revival Heavy Metal à la sauce américaine, Heavy Heavy Power. One Angel Kill, c'est le nom de ce quatrième effort studio, une sortie chez Nuclear Blast. Creeping Death, ensuite, ça fait voilà, partie de cette scène Death Hardcore venue des US. Encore une formation venue du Texas, à la sauce Gatekeeper, Xibalba, et donc tout à l'heure Frozen Soul. Second effort studio longue durée, Boundless Domain. On s'écoute le titre Creators Turn Into Prey. Et juste avant ça, donc Fifth Angel, Blinded and Bleeding. C'est parti. La doublette suivante avec un groupe diffusé en ouverture de l'émission de ce soir, Tudor, le groupe de black norvégien, que l'on s'écoutera en doublette avec Bovem, groupe de Blackening Death qui nous vient d'Égypte, hein, inspiré par le black des formations polonaises, vieux Behemoth, Mgwa, etc. Tout d'abord donc Tudor, voilà, du black norvégien qui existe depuis une trentaine d'années. C'est leur sixième effort studio intitulé Elvègre, une sortie sur label français Season of Mist. On s'écoutera le morceau Chaos Fiend. Bovem ensuite, Tribulation of Plagues, extrait de l'EP Ominous Dawn. C'est parti. We'll be right back. Les dernières doublettes dans l'émission de ce soir, et puis après on s'écoutera un dernier groupe tout seul. On est quoi qu'il en soit sur une triplette Zero Neurone, hein, Dehumanizing et Tet Train Warship. Ça nous vient de Chine, on est sur du brutal slam gore, brutal death, voilà, inspiré par le monde des animés, hein, le mangaka, version gore bien évidemment. Le concept de l'album, c'est quasiment un titre, un guest, et là on va s'écouter la dernière fois on s'était écouté le chanteur, un morceau avec le chanteur de Cranium. Là on va s'écouter un titre avec notamment Larry Wang, chanteur au sein de Fatuous Ramp, et un autre voilà, l'autre morceau avec un Zikos qu'on ne connaît pas. Pas plus réputé que ça au niveau de son pédigré. Otaku Slam Anime Side, c'est le nom de ce nouvel effort de Dehumanizing Ether Train Warship. On s'écoute la doublette Storm in Carnage. Enchaîne au morceau Nico Nikoni. Voilà. Thank you. Et voilà, on se quitte en blast, en guttural et en délicatesse avec Molested Divinity, le groupe de Brutal Slam Death qui nous vient de Turquie, d'Ankara plus précisément. Troisième effort studio, The Primordial. On se quitte là-dessus, on se donne rendez-vous pour une nouvelle émission dimanche prochain, un format spécial, on vous en dira plus le moment venu. Et puis après, eh bien, ce sera temps pour nous de faire notre petite pause estivale annuelle. Des émissions tous les dimanches soirs avec des rediffs un peu best-of de ce premier semestre. Et des créneaux vont certainement sauter ici et là pour laisser plus de temps à Alex et son Freaky Mix. Et on se retrouvera bien sûr le premier dimanche de septembre. Ça doit être le 2 ou 3, 4 septembre, un truc comme ça. Enfin pareil, restez sur les réseaux pour suivre les infos de la reprise. En attendant, Molested Divinity, Condemned Martyrs. Et bien sûr, soyez présents au Ripfest dans deux semaines, les 7 et 8 juillet. À l'espace Oesia. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.